je disais que tu m'aimais vraiment. Je t'ai attendu tout désespéré, espérant que tu viendrais à temps. À ce jour, je t'attends toujours, espérant que tu viendras un jour. En espérant, pourquoi n'ai-je pas pensé que pour toi, tout ça c'est du passé. J'aimerais seulement revenir pour pouvoir tout reconstruire, refaire ce qui n'allait pas, et surtout être à nouveau avec toi. Être à nouveau avec toi. Si tu savais à quel point je pense à toi, à quel point je pense à notre histoire, à nous, à quel point je pense à toi et moi. Je pense à toi et moi. Je veux seulement te dire à quel point je pense à toi et moi. À quel point je pense à nous. À quel point je pense à notre histoire. Je veux seulement te dire à quel point à toi et moi, à quel point je pense à nous, à quel point je pense à notre histoire. Te souviens-tu de tous les moments qu'on a passés? Je t'aimais, je continuerai à t'aimer. Te souviens-tu de tous ces moments ensemble? Souviens-tu de tous les moments qu'on a passés? Je t'aimais, je continuerai à t'aimer. Te souviens-tu de tous ces moments ensemble? Je veux seulement te dire à quel point je pense à toi et moi. À quel point je pense à nous. À quel point je pense à notre histoire. Je veux seulement te dire à quel point je pense à toi et moi. À quel point je pense à nous. Seulement te dire à quel point je pense à toi et moi, à quel point je pense à nous.